Hey, I can't find nothing on the radio. La mécanique des ondes. Yo, turn to that station. Mécanique. La mécanique des ondes. La mécanique des ondes. Cécile Rondeau-Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 22e épisode de la mécanique des ondes. Trois quarts d'heure pour parler carrière radiophonique avec celles et ceux qui sont devant et derrière le micro. On vient de terminer les ondes féminines, la série d'été de la mécanique dans laquelle les femmes étaient à l'honneur. Mais je n'avais pas vraiment envie que cela se finisse. Alors, pour le premier épisode de la deuxième saison de la mécanique des ondes, je reçois une femme qui est aux côtés de Bruno Guillon tous les matins sur Fun Radio. Bonjour Christina Guillotin. Bonjour Cécile. Alors, première question habituelle dans cette émission, vous êtes au micro d'une radio associative, est-ce que ça vous rappelle des souvenirs ? J'ai commencé, alors pas sur une radio associative, mais sur une radio locale qui était Fun Radio Nantes. Donc ça me rappelle quelques souvenirs par rapport au studio, au matériel, etc. Mais c'est vrai que non, moi je ne suis pas du tout passée par l'associatif. J'ai fait quasi toute ma carrière à Fun Radio et maintenant ça continue. Mais je suis très contente d'être là. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'être venue en cette rentrée. Alors on revient justement un petit peu avant parce que pourquoi la radio ? On va poser une question très très générale. Pourquoi la radio ? J'ai toujours voulu faire ce métier. Je pense qu'il y a beaucoup d'animateurs radio qui répondent ça, mais c'est vrai que moi, ça a été le tout début de mon adolescence. Je pense que la première fois que j'ai mis la radio, c'était sur Fun Radio. Je devais avoir 11 ou 12 ans à l'époque, et je suis tombée, je me rappelle très bien, sur In Excess. Et j'ai commencé à danser et je trouvais ça super. C'était la première fois où vraiment j'avais l'impression de kiffer une radio. Et je me suis dit mais c'est super. Et puis j'ai commencé à écouter les programmes. Et deux ou trois ans après, j'étais vraiment fan de Lovin' Fun à l'époque avec Doc et D-Fool. Et je les écoutais tous les soirs et je me disais un jour, j'espère être au micro avec eux sur Fun Radio. Bon, c'était pas avec eux, mais c'était sur Fun Radio. Et alors justement, est-ce que ça a décidé de vos études ? Oui, un petit peu, parce que au début j'étais partie pour faire un bac littéraire, donc j'ai fait une seconde générale qui s'est pas très bien passée parce que je travaillais pas beaucoup et je passais tous mes mercredis après-midi et mes week-ends à la radio, à Fun Radio Nantes. Et donc mes parents ont commencé un peu à me mettre la pression et j'avais pas envie de redoubler. Donc je suis partie en première, on appelait ça STT à l'époque, il me semble, communication. Bon, c'était sympa parce qu'il y avait des stages, donc les stages je les faisais à Fun Radio. Après, l'autre partie, non, c'était pas mon truc. En gros, les langues, le français, ça allait, mais tout ce qui était scientifique, compta, ça me gonflait. Donc, je n'ai pas eu mon bac, mais j'ai été prise à la radio tout de suite après. Donc, alors, ça a été. Mais vous expliquez que donc, quand vous étiez adolescente, vous étiez déjà à Fun Radio Nantes. Mais ouais. Comment ça s'est passé, justement, cette rencontre ? En fait, la première fois, c'est parce que j'ai gagné un cadeau. C'était un CD de Warren G à l'époque. Et on allait chercher nos cadeaux à Fun Radio Nantes. Donc je suis allée chercher l'album et j'avais fait des crêpes pour les animateurs pour les remercier. Bon, ils m'ont pris en sympathie, ils ont dit elle est rigolote celle-ci. Donc j'ai dit est-ce que je peux venir vous voir le mercredi pendant les émissions, etc. Pas de problème. Donc en fait je suis devenue un peu leur petite mascotte. Eric et Zébulon, voilà, je les embrasse. Maintenant ils font autre chose. Et voilà, et ils m'ont prise en affection. Et puis un jour, ils sont partis. Il y a un nouvel animateur qui est arrivé. Et comme je connaissais bien les lieux et la radio, il m'a dit bah viens toi, je te prends en stage. Et puis à force d'être prise en stage, il s'est rendu compte que ce serait cool de me faire un contrat. Donc mon tout premier contrat, j'ai signé, j'avais 19 ans et c'était assistante antenne, c'était un mi-temps, enfin c'était vraiment le tout premier contrat, mais j'étais tellement contente, c'était super. Et alors c'est au tout début, vous faisiez quoi vous ? Donc vous assistiez les animateurs ? En fait, le truc c'est que je pense que dans la radio associative c'est pareil, dans une locale on fait tout, donc je faisais aussi bien du standard que de l'envoi de cadeaux, que de la négociation de partenariat pour avoir des cadeaux, de la négociation de partenariat pour des soirées étudiantes, on allait sur le terrain aussi faire la promo de la radio, je faisais des voix pour des pubs, enfin je touchais à tout. Et puis un beau jour, le journaliste qui faisait les flashs et les chroniques est parti. Et on m'a dit, est-ce que t'as envie de tenter ? Ok, bon, j'ai tenté, j'ai fait des maquettes et ça s'est bien passé. En fait, je suis devenue journaliste. Voilà. Alors, est-ce que vous avez fait une école pour être journaliste ? J'ai pas du tout fait d'école. J'ai tout appris sur le terrain avec les journalistes d'RTL qui étaient juste à côté, qui sont encore d'ailleurs, qui officient encore aujourd'hui à RTL Nantes et pour tout le Grand Ouest. Et eux m'ont formé, ils m'ont emmené sur le terrain, j'allais sur les retransmissions de matchs de foot, sur des reportages. Ils m'ont appris comment bien parler, rédiger un flash, bien lire la presse, bien poser ma voix, faire les bonnes coupures. Et j'ai tout appris sur le terrain. Vous pensez que c'est encore possible d'apprendre sur le terrain encore maintenant ? Je pense que c'est possible, mais ça devient de plus en plus rare parce qu'aujourd'hui il y a quand même des écoles de radio. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, et donc les futurs animateurs radio pensent qu'il faut absolument passer par ces écoles de radio. Ce qui est pas tout à fait faux dans le sens où aujourd'hui, moi j'ai commencé, j'avais pas tout le temps des conventions de stage. Aujourd'hui, c'est très régulier. Enfin, on peut pas faire n'importe quoi. Mais tant mieux quelque part. Mais donc c'est rare, mais je pense que c'est encore possible. Alors combien de temps en tout à Fun Radio Nantes ? Fun Radio Nantes, ça a été jusqu'en 2004. J'avais commencé à faire des remplacements sur des flashs à Paris à partir de 2003, sur les vacances de Noël. Et en fait, j'ai été mutée en 2004. Donc en gros, ça a été 2004, 4 ans. Et vous commenciez à être appelée à Paris, donc vous, à partir du moment où on commence à vous appeler sur des remplacements à la maison mère, qu'est-ce que vous dites ? Quel stress là, parce que quand on débarque à Fun Radio à Paris la première fois, on se dit qu'on vit un rêve. Tous les animateurs qu'on croise, pour eux, c'était mes stars de l'époque et j'y croyais pas. J'étais tellement stressée le jour de mon premier flash, c'était horrible. C'était un 24 décembre en plus et je prenais le train après pour aller rejoindre mes parents à Nantes pour faire Noël, mais j'étais vraiment incroyablement stressée, mais c'était un rêve, honnêtement, j'y croyais pas. Bon, je mangeais plus, je fumais beaucoup à l'époque, et voilà, mais ça s'est finalement bien passé. Alors, Christina Guillotin, c'est le moment de la première pause musicale, alors vous avez choisi quoi ? Alors, la première pause musicale, j'ai choisi Bruno Mars et Mark Ronson pour Uptown Funk. Pour moi, c'est vraiment le titre qui a marqué ma dernière saison 2014-2015. C'est un truc qui me met de bonne humeur, qui me donne envie de sourire. Voilà, j'adore ce titre. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am. Hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Come on. tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you succeed and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you've succeeded and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Uptown Funk avec Bruno Mars et Mark Ronson dans la mécanique des ondes de Christina Guilleton. Cette rentrée, Christina, ça bouge un petit peu là pour le mois de septembre. Hein. Vous vous remettez en forme pour refaire le morning. Oui, j'ai besoin. Non, ça va, j'ai pris un peu de vacances quand même. Mais oui, ça, c'est ce genre de morceau. En tout cas, ça me donne bien envie de reprendre le micro, quoi qu'il arrive. Alors, on reprend le fil de votre parcours. Vous êtes monté un petit peu à Paris, à la maison mère de Fun Radio, pour faire quelques remplacements. Ça, c'était en 2004. Hein. Comment se passe du coup votre transfert définitif à Paris? Alors ça se passe vite, c'est-à-dire que je crois qu'on m'a prévenu mi-décembre et on m'a dit il faut que tu sois là dans 2 semaines. D'accord, bon, ok, je connaissais personne à Paris. Bon, j'avais un ami, donc je suis allée loger chez lui avant de trouver un appart, ce qui n'est pas chose évidente ici. Et je suis arrivée, je faisais les flashs, je ne sais plus si c'était Île-de-France ou Natio. Non, ça devait être Île-de-France, je pense, quand je suis arrivée. Et 2 semaines après, je faisais le national. Donc, on était 2 journalistes sur la matinale, hein, entre 6h et 9h. Déjà, je me levais très tôt. Et à l'époque, c'était Babiza et Martin. C'était la dernière saison de Babiza et Martin. Et c'était très sympa. Je découvrais l'ambiance du morning, une équipe, enfin, tout ce que je connaissais pas, pour le coup, en local. Et j'étais tellement contente d'être là, donc c'était pas tous les jours évident, mais voilà. Et puis cette radio, c'était vraiment ma seconde famille. En connaissant personne, je passais mon temps à la radio. Alors justement, si vous passez votre temps à la radio, vous essayez de proposer d'autres choses à la direction, etc. Exactement. Et non, alors c'était justement les flashs Île-de-France que je faisais dans un premier temps. Bon, on faisait juste des flashs hein, qui duraient 2 minutes. Et c'est vrai que moi, venant aussi un petit peu du sport à Nantes, j'en faisais beaucoup. J'ai proposé de faire des petites rubriques, en tout cas des interviews des footballeurs parisiens, justement pour les flashs Île-de-France. Donc j'allais sur les match du PSG le dimanche soir, je montais mes petits sons dans la foulée, j'en avais le lundi matin, j'essayais de faire ça avec l'équipe de France, j'ai commencé à faire des interviews ciné, donc des acteurs pour apporter aussi du contenu dans les flashs, un peu plus sympa et puis avec des interviews. Et ça leur a beaucoup plu et j'en ai fait de plus en plus. J'ai commencé à faire des chroniques aussi sur l'antenne nationale. Donc, bon, ils voyaient que je me bougeais. Donc, ça a continué comme ça quelques mois. Et puis, il y a une nouvelle émission qui a vu le jour la saison d'après. Donc, rentrée 2004. Enfin, c'était... Non, rentrée 2005. C'était une émission qui s'appelait Génération Fun avec Dario qui animait. Et donc, Dario nous a choisi Camille Combal, que vous connaissez maintenant, qui est sur D8 et sur Virgin Radio. Et moi, donc, pour co-animer l'émission. Et on recevait des artistes tous les jours. Donc, c'était super. Ça, c'était tous les soirs, 19h, 21h de mémoire. Et ça, c'était vraiment génial comme école. Et là, je faisais matin et soir à l'époque. Je faisais les flashs du matin et ça le soir. J'en pouvais plus. Je dormais 4h par nuit. Donc, au bout d'un moment, j'ai dit stop. Je veux vraiment faire que cette émission le soir. C'est ce qui m'intéresse. Les flashs, c'est sympa. Mais en fait, j'ai vraiment envie de faire de la antenne et de la co-animation. Alors là, c'était des interviews En direct. Ouais, des interviews en live avec des gros artistes. Enfin, il y a eu beaucoup d'internationaux. On a eu même Mariah Carey ou les Black Eyed Peas. Non, c'était super. C'était des super rencontres. Et puis, l'adrénaline du direct, ouais, c'est génial. Et on sait jamais sur qui on va tomber. Même si on connaît l'artiste, on sait pas s'il va être de bonne humeur, s'il va être généreux, etc. Donc, c'était un peu la surprise à chaque fois. Mais on s'est bien marré. Alors, ça dure combien de temps, cette émission? Ça dure une saison. Et à la fin de la saison, ils décident d'arrêter. À l'époque, c'était Koé qui était là le matin sur Fun Radio. Donc, moi, j'avais pas trop d'autre choix que de retourner sur les flashs le matin. Donc, bon, ça m'embêtait un peu parce que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Donc, j'ai fait une petite année de pause, j'appelle ça une année de pause, mais j'ai beaucoup travaillé. Je suis passée le week-end, j'ai demandé à faire. En fait, ils ont mis en place un morning le week-end où je pouvais un peu plus co-animer, avoir des chroniques, etc. Donc je l'ai fait, c'était avec Sophie Gaillard et Martin dans un premier temps. Et donc j'ai fait ça une ou deux saisons, je crois. Donc j'ai pu commencer à m'imposer et puis je faisais des interviews la semaine et voilà, je me prenais un petit break le lundi en gros. Et puis au bout d'un moment, j'avais fait le tour. Moi, j'ai toujours besoin d'avancer un peu de nouveauté et la nouveauté est arrivée avec le changement du matin, avec l'arrivée de Manu Lévy aux commandes de la matinale de Fun Radio, que j'ai rencontré. Ça a bien matché tous les deux. Je lui ai proposé pas mal de choses pour l'émission, donc et c'est lui qui m'a donné la chance d'être co-animatrice pour la première fois sur une matinale la semaine sur Fun Radio. Donc c'était avec lui et Marc Michaud. Alors c'est comment de travailler avec Manu Lévy, le trublion je vous explique pas. Quand il est venu ici, au moment où le micro s'est allumé, Manu Lévy, on ne le retient plus. C'est de la vanne tout le temps, c'est Manu. Après, voilà, ça fait des années que je le connais. Je suis restée en très bon terme, on se voit de temps en temps. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste, peut-être le plus perfectionniste des animateurs radio que j'ai rencontré. C'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui fait confiance, c'est quelqu'un qui est droit. Il n'y en a pas beaucoup non plus dans ce métier, surtout à ce poste-là. C'est quelqu'un de vrai, voilà. Il a une espèce de carapace qu'il faut réussir à percer dans un premier temps, mais honnêtement, et puis c'est quelqu'un de doué en radio, voilà, il est très très doué. Ne le dis pas trop, bon. C'est le concurrent direct. Bah oui, non, mais il le sait. Bon, il est moins doué que Bruno Guillon, mais rassurez-moi. Quand même. Alors, combien de temps avec Manu Lévy? Alors là, ça c'était une saison. Ça s'est arrêté juin 2009. En fait, ce qui se passait, c'est que, on le sait, quand une émission se met en place, ça paye rarement tout de suite. Personnellement, je pense qu'il faut au moins deux saisons pour qu'une émission s'installe, surtout en morning. Et là, bon, les résultats n'étaient pas forcément au rendez-vous. Fun Radio allait moyennement aussi à l'époque. Donc, les dirigeants ont décidé de dire à Manu qu'il fallait qu'il soit accompagné peut-être de gens avec un peu de notoriété sur lesquels on pourrait communiquer. Moi, je rentrais pas du tout là-dedans, étant une fille de radio et pas de télé. Je rentrais pas là-dedans. Donc, Manu a eu la gentillesse de me prévenir un petit moment avant. Il m'a dit, voilà, je pense qu'on va pas pouvoir continuer ensemble. Moi, j'ai un peu les pieds... Et les mains liées, les poings liés plutôt. Et je vais devoir changer de co-animateur. Donc voilà, si tu entends quelque chose, si tu as envie de bouger, n'hésite pas. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Ça fait des années que je suis à Fun Radio. Il va falloir que je parte. Après, on me proposait des choses à Fun Radio, mais c'était plus ce que je voulais faire, du flash, etc. J'en avais fait le tour. Et là, via Camille Combal, avec qui je faisais de la coloc à l'époque, me dit, Bruno Guillon va faire la matinale de Virgin Radio l'année prochaine. Il cherche une co-animatrice. Vas-y. Donc, je me dis, j'ai rien à perdre. Je l'appelle. On s'était rencontrés 2-3 fois, des jeunes ensemble. Je fais un training et ça se passe super bien. Ça matche tout de suite. Et donc, Bruno me dit, je te prends. Donc, ça a été un peu compliqué pour moi de quitter Fun Radio. J'étais vraiment émue après la dernière, mais c'était bien. Il fallait ça aussi dans ma vie. Donc, je suis partie pour 2 saisons avec Bruno Guillon sur Virgin Radio. Et honnêtement, on s'est éclaté. Les sondages étaient pas mal. Enfin, contrairement à aujourd'hui, c'est vrai que Virgin Radio a plutôt baissé et à l'époque on s'en sortait pas si mal finalement, mais bon, c'était une radio qui était déjà malade et c'était compliqué, mais on s'est rencontrés et on s'est éclaté, donc c'est ce qui comptait. Alors qu'est-ce que vous apprenez justement avec Bruno Guillon? plein de choses parce que c'est un mec qui est tellement généreux. Puis alors lui, c'est pareil, on lui donne un micro, il est fort, avec rien, il peut faire une émission. Il est très doué, moi il m'apprend... la matinale plus légère que celle de Manu. C'est vrai que Manu, c'est quand même quelqu'un de plutôt plutôt stressé et plutôt méticuleux et perfectionniste. Bruno l'est aussi, mais il laisse plus de place à la liberté. Donc c'est vrai que je me sentais un peu plus cool, j'avais un petit peu moins la pression. Et donc il m'apprend tout ça, et c'est vrai que avec lui j'ai essayé aussi d'en faire un peu plus. Je proposais des choses, des invités, d'appeler telle ou telle personne pour faire une rubrique, des nouvelles idées. On avançait vraiment ensemble. Donc ça s'est terminé 2 ans après. Fun Radio avait appelé Bruno. Bruno m'a dit « Qu'est-ce que t'en penses ?» Moi, j'ai dit « Je veux y retourner !» Donc, j'étais contente d'y retourner. Et en plus d'être co-animatrice, là, je devenais coordinatrice artistique de l'émission. Donc, ce qui était autre chose que je suis encore aujourd'hui. Et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment un truc qui me passionne aussi. Alors, je vais y revenir après, puisque sur Virgin Radio, vous animiez également avec Florian Gazan. Oui. Alors, pas la première saison. La première saison, c'était Arthur Perrier-Pilu. Et Flo est arrivé après, ouais. Alors, comment, en tant que femme, comment on fait pour en ayant 2 hommes en co-animateur? Alors ça, j'ai l'habitude, mais Bruno, il justement, laisse la place à ses co-animateurs. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il faut aussi savoir prendre la parole et s'imposer, c'est important. Mais étant donné que Flo était quelqu'un qui était plutôt là pour faire des vannes, et Bruno, ça reste le MC et celui qui bouffe le micro, moi, c'était assez facile pour moi d'avoir ma place. Et puis mon avis féminin était aussi important. C'est vrai qu'aujourd'hui, les filles, il n'y en a plus des plantes vertes à la radio, ça n'existe plus. Enfin, les filles qui donnent le numéro de téléphone, etc., ça n'existe plus. Aujourd'hui, on prend des filles avec une vraie personnalité, et justement, c'est assez facile de s'imposer au micro, je pense. Alors, quand donc vous arrivez à Fun Radio, vous êtes donc, comme vous l'avez dit, également coordinatrice artistique. Alors, en quoi ça consiste ? En quoi ça consiste ? Ça consiste à faire toute l'émission. C'est-à-dire que tout ce qui est dedans, il faut tout gérer, que ce soit l'habillage, les chroniques, le contenu, les sujets. Il faut aussi gérer l'équipe. Ça, c'est important. Il faut faire en sorte que l'information circule entre tout le monde. C'est, en gros, je fais en sorte que l'ossature fonctionne. Et après, tout le contenu éditorial, je le décide. Et si j'ai un doute, j'en parle à Bruno. Il me laisse énormément de liberté. Bon, après, il peut ne pas être d'accord et me faire changer 2-3 trucs. Mais globalement, j'ai pas à me plaindre et j'ai une liberté qui est quasi totale. Et aujourd'hui, le contenu, ouais, sur l'émission, c'est... quasi moi qui le décide à 100%. Et donc, quand vous revenez à Fun Radio, pour vous, c'est évidemment une joie, à mon avis, immense. Alors, la direction avait changé depuis ? Non, c'était toujours Jérôme Foucret qui était là. Donc, moi, je le retrouvais, puisque quand j'ai quitté la radio, c'était lui qui était là. En revanche, je ne connaissais pas Sébastien Joseph, qui était à la direction des programmes. Donc ça a été une rencontre, et ça a été une belle rencontre, mais il est encore là aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est un peu fou. Il aime bien partir en vrille. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait du bien. Il a eu, par exemple, on est parti à Ibiza fin de saison dernière, c'était son idée et c'était une très bonne idée. Globalement, on s'entend bien et voilà, c'est lui aussi qui a l'initiative d'un carnaval qu'on avait fait dans les locaux de Fun Radio et on avait débarqué aussi chez RTL. Enfin, j'aime bien son petit grain de folie, on travaille bien. Après, il faut savoir que Bruno est mon patron, Bruno produit l'émission, donc c'est pas pareil, c'est pas les mêmes rapports. En gros, on travaille ensemble, mais ce ne sont pas mes patrons. C'est Bruno. Voilà, c'est ça. Ça fait combien de temps, là, vous enchaînez sur la combienième saison ? C'est la 5e saison qu'on vient de démarrer. Et honnêtement, on a toujours autant de plaisir et toujours autant de bonheur à se retrouver. On se connaît très bien tous et on dit à chaque fois c'est la famille, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on s'est manqué pendant l'été. Alors on s'est vu quelques-uns, on s'est appelé, on s'est envoyé des SMS, mais on s'est vraiment manqué et on a besoin. C'est un peu notre colo, quoi. On adore se retrouver, comme la rentrée des classes. On est content. Donc vous confirmez que quand il y a une bonne ambiance hors micro, ça s'entend à l'antenne. C'est la base. Et ça, Bruno accorde beaucoup d'importance. Il dit à chaque fois qui s'entoure pas forcément des meilleurs, mais qui veut des gens capables de s'intégrer dans la famille. C'est-à-dire que pour lui, alors après on a quand même chacun, j'espère, du talent, pour lui c'est important, c'est primordial de s'entendre hors antenne. C'est-à-dire qu'une équipe qui ne s'entend pas, ça s'entend. On peut pas faire croire qu'on est les meilleurs amis du monde, qu'on va faire des verres à gauche, à droite, les uns avec les autres. Si c'est faux, c'est impossible. Il y a un truc, c'est que les auditeurs, de toute façon, ça, ils le sentent, ils le perçoivent. Et je pense que c'est ce qui fait la force de l'émission aujourd'hui, honnêtement, de loin. Alors, deuxième pause musicale, Christina Guilloton, qu'est-ce que vous avez choisi? Je crois que vous revenez un petit peu en arrière dans les années. Ouais, là. Alors en fait, c'est un groupe que j'adore, ce sont les Red Hot Chili Peppers, et j'ai choisi un morceau, mais qui envoie, parce que moi, j'aime bien les morceaux qui envoient, justement, pour donner de la bonne énergie et pour être en forme. Ça s'appelle Around the World, et j'adore. Around the World des Red Hot Chili Peppers, encore une chanson qui déménage un peu. Hein, ah, j'adore, ça fait du bien. Oui, exactement, parce que c'est ce que vous me disiez en antenne, vous adorez cette chanson. Ouais. Et ça vous fait un peu de bien d'écouter ça. C'est important. Alors c'est pas très dance floor, c'est pas très raccord avec fun, mais voilà, j'aime bien écouter ça de temps en temps à fond chez moi. Effectivement, ça peut défouler pas mal. Ouais. 5 ans de morning, donc sur Fun Radio. Je suppose que la formule a peut-être un petit peu évolué depuis 5 ans. Qu'est-ce qui a changé? Alors déjà, Flo était avec nous les deux premières saisons. Donc il y a eu un gros changement quand Vacher est arrivé. Alors moi, c'est quelqu'un que je connaissais de l'époque de Manu Lévy, justement. Il nous a fait du bien et en même temps, Flo, c'est quelqu'un aussi que j'appréciais beaucoup. Mais quand on a un petit peu de renouvellement dans une équipe, de temps en temps, ça peut faire du bien, ça peut insuffler aussi un nouveau souffle, et c'est ce qu'a fait Vacher avec ses Vacher Time qui sont super drôles. Après, il y a toujours des éléments qui bougent comme ça, mais globalement, le socle n'a pas changé. Après, les rendez-vous, oui, ont un peu évolué, et puis en fonction des sondages aussi, il y a des choses qu'on améliore, il y a des rendez-vous qui sont plébiscités, donc on va plus les mettre en valeur, mais chaque année, quoi qu'il arrive, on essaye d'apporter un petit peu de nouveauté pour prouver qu'on ne s'endort pas sur nos lauriers. Alors quand je regarde un petit peu le compte, alors soit de l'émission, soit de Bruno Guillon sur Twitter, je vois qu'effectivement il y a beaucoup de jeunes qui réagissent, ouais. Mais j'ai l'impression aussi que dans votre auditorat, il y a des gens peut-être de 40 ou 45 ans, en tout cas dans mon entourage, c'est assez confirmé, qui écoutent votre émission tous les matins. Tout à fait. Non, mais c'est assez large et c'est ça qui est incroyable. Et encore une fois, c'est une famille, c'est large. C'est-à-dire qu'on a des enfants qui nous écoutent avec leurs parents. On a des mamies, des papis. On a eu une mamie de 70 ans au téléphone l'année dernière qui nous écoutait parce que ça lui mettait la pêche. Donc tant mieux. Et on a aussi des jeunes. Ouais, ça va de 12 à 70 ans, je pense. Mais on a même des petits minots qui nous écoutent, qui chantent le jingle. Donc ouais, c'est assez large, mais c'est ça qui est plaisant. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et ça, on fait vraiment attention à ça, à pas être trop vulgaire, justement, pour que toute la famille puisse écouter. Ouais, effectivement, et pour atteindre le panel large d'auditeurs, il faut quand même réussir à les atteindre, alors par le langage, tout à fait, et par des blagues ou des choses comme ça. Exactement. C'est pas évident, mais je crois qu'aujourd'hui, ouais, on arrive. En tout cas. Alors, cet année, cet été, vous venez de terminer l'aventure GPS. Guillon prend le soleil. Alors là, c'est sur RTL. Ouais. Bruno Guillon était déjà sur RTL l'année dernière, tout mais vous fait. N'étiez pas dans l'aventure. Non. Cette année, donc, ce GPS, comment ça s'est fait? Comment est né ce projet? Alors en fait, l'année dernière, donc, Bruno avait fait l'émission La Bonne Touche, donc, qui était un jeu qui existe encore sur RTL. Et cette année, ils ont décidé de lui confier une nouvelle émission, mais qu'il allait penser de A à Z, ce qui est génial, une nouvelle émission sur RTL. Donc c'était GPS, une émission destinée à faire le tour de France chaque matin, et honnêtement c'était une super aventure. Moi, Bruno m'a inclus dedans quasi dès le départ. Il m'a dit, j'aimerais que tu t'occupes de la rédaction en chef de l'émission. Donc j'ai accepté avec bonheur. Et la petite cerise sur le gâteau, c'était d'avoir une revue de presse dans l'émission et un micro ouvert pendant toute l'émission. Sur RTL, honnêtement, j'étais assez fière. C'était un autre exercice. C'est une très belle radio RTL aussi, avec des supers équipes. Là aussi, on a fait des belles rencontres. On était contents puisque la sauce a pris tout de suite. Et c'était léger. On a bien ri. On a appris des choses. C'était vraiment un bonheur de bosser sur cette émission. J'espère qu'il y aura une suite. En tout cas, les retours ont été globalement positifs. Mais il fallait faire attention au langage aussi sur RTL. On ne disait pas de gros mots. Mais on se voyait avec Bruno. Ça, c'était un peu compliqué au départ. Il y avait des tu qui partaient de temps en temps. Mais une super expérience, vraiment. Très enrichissante. Et justement, parlant de Bruno Guillon, Caroline Roux, l'invitée précédente, vous pose une question. Alors, une question pour Christina, question un peu délicate, mais il va falloir y répondre. Quel est le principal défaut de Bruno? Le principal défaut de Bruno, qu'est-ce qu'il peut avoir comme défaut? Il n'en a pas beaucoup, mais il y a un truc, c'est qu'il ne supporte pas qu'on le vanne sur ses fringues. Si, alors, c'est une fashion victime, Bruno, il faut l'avouer. Pour un homme de radio, vous avez raison de le préciser. Mais oui, c'est une fashion victime, il fait plus les magasins que sa meuf. Donc quand même, c'est pas mal. Et en fait, il ne supporte pas qu'on fasse une remarque sur ses vêtements. Et sinon, il peut vraiment faire la gueule. Et si, comme une fille, si, je sais pas, son pantalon se met mal, etc., il peut faire un peu la moue toute la journée. Mais globalement, sinon, il a pas de gros défauts. quelqu'un de généreux. Voilà, c'est le pire défaut que je pourrais lui trouver. Hein. Un peu susceptible parfois. Alors, avant de passer au questionnaire rapide, Christina Guilloton, moi j'ai envie de savoir ce que vous avez envie de faire dans le futur. Est-ce que vous avez des projets, vous, personnels? En tout cas, en termes de radio, aujourd'hui, je suis assez contente de la place que j'occupe aujourd'hui. J'ai pas envie de la laisser demain, ça c'est sûr. Je pense que l'émission Bruno dans la radio a encore un petit avenir devant elle, honnêtement, au vu des résultats et des sondages l'année dernière qui étaient incroyables. En fait, aujourd'hui, jamais une émission n'a autant fait d'audience le matin sur Fun Radio que celle-ci, dans toute l'histoire de Fun Radio. Donc c'est quand même pas mal. Donc je me dis qu'on a encore quelques années devant nous. J'aime bien aussi cette petite expérience sur RTL. Pourquoi pas, dans quelques années, faire autre chose sur cette radio. Pourquoi pas. Et puis, moi, il y a aussi un truc, c'est que hors de l'antenne, j'aime aussi tout ce qui est la coordination artistique, ce que je fais, tout ce qui est en off, la production, ça c'est vraiment des choses qui me plaisent. Donc si un jour j'arrête l'antenne, peut-être que c'est là-dedans que j'irai, peut-être vers la prod, des responsabilités sur une radio, pourquoi pas, mais en tout cas la radio. Et la télévision? Alors ça, c'est vrai qu'on pose souvent la question quand on fait de la radio, mais moi personnellement je trouve que ce sont deux métiers très différents. Je suis pas une femme de télé, je suis une femme de radio et je le revendique. Maintenant, si demain on proposait un truc génial, peut-être que je dirais oui, mais c'est vraiment un autre exercice et puis c'est pas en direct. Moi, ce que j'aime à la radio, c'est d'être en direct, c'est d'être sans filet, c'est le côté spontané. À la télé, c'est vrai qu'il faut faire vraiment attention à son apparence. Donc je sais pas, à voir. Si on propose quelque chose, peut-être que j'y réfléchirai, mais en tout cas, honnêtement, c'est pas du tout dans mes priorités. C'est parti pour le questionnaire rapide. Alors Christina, je garde la question que j'avais prise pour les ondes féminines. Une femme de radio qui pourrait être votre modèle? Super Nana. Quelle radio résumerait votre enfance et votre adolescence? Fun Radio. Je crois qu'on l'a bien compris. Quelle radio vous réveille le matin? C'est Fun Radio, hein. Forcément, j'y suis. Et à quelle heure? Alors, non. Je me réveille très exactement avec RTL, en fait. Et sinon, je me réveille à 4h. Quelle radio vous endort le soir? Je n'écoute pas la radio le soir, sauf en ce moment, j'écoute Marion et Anso sur Fun Radio. Parce que ce sont des filles et que ça fait plaisir. Et c'est à quelle heure? C'est 22h minuit. Un endroit où vous écoutez toujours la radio? Dans la voiture. Et un endroit où vous ne l'écoutez jamais? Chez moi. Votre meilleur souvenir de radio, s'il n'y en a qu'un à retenir? Oh là là, il y en a beaucoup, beaucoup. Je pense que mon meilleur souvenir radio, c'était au mois d'avril. C'était le 17 avril exactement, 2015. En fait, on a fait une émission à Grésillac, à côté de Bordeaux, pour le mariage de Vacher, l'un des co-animateurs de l'émission. Il y avait toute sa famille qui était là. Il y avait tout. Enfin, on avait une grande salle des fêtes avec au moins 300 personnes qui étaient là. Et honnêtement, c'était hyper émouvant. Et il a pleuré parce que lui-même était ému. C'était une super émission. Et là, je me suis dit, on fait vraiment une émission familiale. Et on est bien ensemble. Et voilà, on avait tous les larmes aux yeux. Et je crois que c'est mon meilleur souvenir radio jusqu'à maintenant. Et le pire souvenir? Et le pire souvenir, je pense que c'était une interview, heureusement, qui était enregistrée avec Bruce Willis, qui était infect ce jour-là. Alors peut-être qu'il s'était mal réveillé ou je sais pas, il y avait un truc dans sa vie qui n'allait pas, et qui a été très désagréable. Et j'étais assez, je savais plus quoi faire, je savais pas quoi poser comme question. Donc je pense que c'est ça mon pire souvenir. Alors, on en a parlé en début d'émission, mais un conseil à donner à quelqu'un qui veut faire de la radio? Surtout, persévérer, parce que c'est pas forcément facile. Ce que je dis toujours, c'est que pour réussir en radio, il y a trois facteurs. Le premier, c'est rencontrer la bonne personne au bon moment. Et ensuite, c'est beaucoup de travail et quand même un petit peu de talent. Et je pense que justement, la radio associative ou alors les radios locales, c'est la base pour commencer. Et même si vous faites des études de radio et qu'on vous propose un poste n'importe où en France, mais que vous avez pas envie de bouger n'importe où en France, c'est une erreur. Parce que moi, je pense que c'est très formateur au contraire. Voilà. C'est un bon conseil. Ouais. Pour terminer l'émission, Christina Guilloton va vous retrouver tous les matins entre 6h et 9h, donc sur Fun Radio. Ça y est, c'est reparti pour une année, là, ouais. depuis quelques jours. Alors, je vous souhaite bon courage pour vous réveiller tous les matins très tôt. Merci, Cécile. Merci de m'avoir invitée. Merci à vous. Tous les interviews, vous les retrouvez sur le www.lamecaniquedesondes.com et sur le site de la radio Fréquence Protestante, bien sûr, fréquenceprotestante.com. À très bientôt.